بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، آمين. وبعد. On continue, mes très chers frères, nos cours de fiqh basés sur l'explication du livre Minhaj al-Salikin l'imam al-allama Sheikh Abdurrahman al-Si'di rahimahullahu ta'ala. Et nous avons un dernier cours à faire concernant un kitab ou tahara, le chapitre de la purification. Il reste un cours, un sous-chapitre. باب الحيض، le chapitre concernant الحيض، les menstrues، les menstrues. Ce chapitre ou le sujet des menstrues il a été détaillé par un docteur Mohamed Diop dans ses cours. Il va encore le détailler là dans Ar-Risala inchallah les cours qui arrivent. Également nous l'avons détaillé en français lors de nos précédents cours. Et là, dans le livre, le chapitre est assez court. Il n'a pas développé le shir. D'accord ? Donc, nous allons nous contenter de l'explication ou de la parole du shir et d'une brève explication, incha'Allah ta'ala. Donc, قال المصنف رحمه الله تعالى والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. Il dit le cheikh, le chapitre des menstrues est la base sur le sang qui sort de la femme, c'est le sang des menstrues, sans qu'il y ait d'âge minimum, sans qu'il y ait de quantité minimum et sans qu'il y ait de nombre de fois que les règles arrivent, et on va expliquer ça inshallah ta'ala. Al maqsoud anna al mar'a ma indana dalil annaha tahid fi sin kadha wa kadha wa law hadat al bint wa umruha 9 ma indana dalil أن نقول لها لا أنت لست بحائض لابد أن تبلغي فهي حائض. وهو المقصود بقول المصنف رحمه الله تعالى بلا حد لسنه. Donc on n'a pas ici, le shir il nous dit on n'a pas de preuve pour dire qu'il y a un âge minimum pour avoir les règles pour la jeune fille. Donc si une jeune fille de 9 ans a des règles ou a ses règles, on n'a pas de preuve pour dire non, toi c'est pas tes règles, faut attendre que t'aies la puberté ou quelque chose comme ça. On n'a pas de preuve pour qu'ils nous disent qu'il y a tel âge minimum pour que la femme a ses règles. Donc si elle a 9 ans, si elle a 7 ans, 8 ans, 1, on considère ça comme des règles, comme les règles. C'est pour ça qu'il dit il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge minimum pour, ou d'âge prédéfini ou défini pardon, pour les règles. Wa qawluhu wa la qadarihi يعني ما عندنا دليل أن يقدر لا بد أن يكون كذا وكذا في الكمية. فقد يخرج شيء يسير ويقف وَقَدْ يَسْتَمِيرْ شَيْءٌ كَثِيرٌ. Ensuite, quand il dit il n'y a pas de quantité définie pour dire que c'est des règles, pour dire que c'est les règles. Hein? C'est-à-dire, on n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve du Qur'an, la Sunna, qui nous dit il faut que les règles soient de telle ou telle quantité. Ça peut sortir un petit peu et s'arrêter, ou ça peut continuer et sortir beaucoup. وَلَا تَكَرُّرِهِ قَلْ يَتَكَرَّرْ فِي شَهْرْ وَاحِدْ فِي أَوَّلِهِ ثُمَّ فِي وَسَطِهِ ثُمَّ فِي آخِرِهِ. Également, il dit, il n'y a pas de fréquence définie pour les règles. Les règles peuvent arriver plusieurs fois dans le mois, peut-être au début du mois, puis ensuite au milieu du mois, puis à la fin du mois. Il n'y a pas de preuve qui nous dit qu'il y a une fréquence prédéfinie. Une fréquence définie. Al-Mu'allif yurid an yaqula an-nusus ja'at 'amma wa 'allaqat al-ahkam bi wujud al-hayd famata ma wujid al-hayd la yajuz laha an tusalli wa la tasum wa yurid al-mu'allif an yakhruja min kalam al-fuqaha at-tawil. إذا كان السن كذا وكذا وإذا المقدار كذا وكذا والكيفية الكيمية كذا وكذا. Ici l'auteur du livre, hein, il veut nous dire quoi? Il veut nous dire que les textes qui sont venus dans le Coran et la Sunna concernant les règles sont des textes généraux. Sont des textes généraux. Et les jugements donc, les jugements religieux, hein, découle de ces textes, yani du moment qu'il y a le sang des règles. Donc, dès que la femme voit le sang des règles, elle ne peut plus prier, elle ne peut plus jeûner, etc. etc. En fait, ici, hein, l'auteur du livre, il ne veut pas rentrer dans les longs sujets que les fuqaha, que les savants du fiqh ont développé dans leurs livres. Il faut qu'elle ait tel âge, il faut qu'elle ne dépasse pas cet âge, il faut que ça soit tant de quantité, il faut que ça soit comme ça. Les ulama, ils ont expliqué, développé des pages et des pages et des pages et des pages. Oui, l'auteur, il ne veut pas rentrer dans ce détail. C'est pour ça qu'ici, il est resté général. Il a une parole générale. Hein? C'est le sang qui sort de la femme. Il n'y a pas d'âge minimum, il n'y a pas de quantité définie, il n'y a pas de fréquence définie. D'accord ? وَهُوَ وَقَالَ مَا فِيهِ أَدِلَّ لِهَذِهِ وَقَالَ مَا فِيهِ أَدِلَّ لِهَذِهِ وَهُوَ اِخْتِيَارَ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم خلافا الأئمة الأربعة كلهم يخالفون يرون أن لها سن معين وأيام معددة وإلى آخره وأدلتهم لذلك ليست صريحة ولا واضحة بل الأكثر ضعيفة. Et donc il dit, l'auteur, il n'y a pas de preuve pour mentionner, pour affirmer tous ces détails. Et ça, c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. C'est quel avis? L'avis que c'est général. Il n'y a pas d'âge défini, de montant ou de quantité définie ou de fréquence définie. Hein? C'est général. Ça, c'est l'avis de qui? Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et de son élève Ibn al-Qayyim. Au contraire des quatre imams, des quatre écoles, eux ils ont divergé et ils ont tous mentionné des différentes paroles. Oui, il faut qu'elle ait tel âge, oui, il faut qu'il y ait telle quantité, oui, il faut que ça soit à telle fréquence, etc., etc. Ils ont détaillé. Mais toutes leurs preuves ne sont pas yani directes, ne sont pas évidentes. Et même la plupart de leurs preuves sont faibles. D'accord. Donc ici, le Shir a voulu faciliter la chose, elle n'est pas rentrée dans la complexité, et il a mentionné la base, c'est que le sang qui sort de la femme, hein, c'est les règles. Sans âge défini, sans âge défini, sans quantité définie, sans fréquence définie. Wadih? Illa in atbaqa dam ala al-mar'a aw sara la yanqati'u anha illa yasiran fa innaha tasiru mustahaba. Sauf si le sang ne coule plus, il y a plus de, elle n'a plus de sang, elle n'a plus de règles. On appelle ça comment? Non. Quand il n'y a plus de sang. En français, comment on appelle ça? La femme qui n'a plus ses règles à cause de son âge. Ménopause. La ménopause. Ou celle, au contraire, le sang coule continuellement. Ça on appelle al-mustahada. En français, la métrorragie, ahsantoum. يعني امرأة لا يتوقف أدم فهي ليست حائضا فليست حائضا بل هي مستحاضة. Donc la femme qui a le sang qui coule continuellement, qui ne s'arrête jamais, alors elle, on dit pas qu'elle a ses menstrues, on dit qu'elle est مستحاضة, on dit qu'elle a atteint de métrorragie. والفرق بينهما الحائض يخرج منها دم رائحته كريهة ولونه أسود. Et la différence entre la femme qui a ses règles et la femme qui a ses métrorragies, c'est que la femme qui a ses règles, le sang qui sort, c'est un sang qui a une odeur nauséabonde, une odeur forte, qui n'est pas agréable, une odeur qui est mauvaise. Et sa couleur, la couleur du sang est couleur noire, elle est foncée. Le sang est foncé. Tajidu alam inda khuruj ad-dam. Et quand le sang sort, pour la femme qui a ses menstrues, elle ressent des douleurs. Hadha min tabi'ati al-mar'a allati khalaqaha Allah wa jabalaha 'alayhi bima'na idha al-mar'a hadat hadhi sahiha salima. Donc là, ça c'est la différence. La femme qui a ses menstrues, elle a des douleurs. Le sang a une odeur mauvaise. Le sang est de couleur foncée. Au contraire de la femme qui a la métrorragie. Généralement, elle n'a pas de douleur. Le sang est plus clair. Il n'y a pas l'odeur, cette mauvaise odeur. Et le fait que la femme a ses règles, c'est comme ça, ça fait partie de la nature de la femme. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal l'a créé. Allah l'a créé avec ce cycle menstruel. Hein? Et donc, si la femme a ses règles, ça veut dire qu'elle est en bonne santé. C'est-à-dire qu'elle est saine. Mais si la femme, elle n'a pas ses règles, alors là, ça veut dire que quoi? Elle est malade. Car c'est au contraire de comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. ولهذا لما جاء المرأة المستحاضة قال صلى الله عليه وسلم لها إنما ذلك لركض من ركضات الشيطان يضرب علق من العروق ويسل منها هذا الدم الأحمر. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cette femme qui avait al-istihada, la métrorragie, est venue le voir, il lui a dit, ça c'est une ruse parmi les ruses de Shaitan. Hein? Il frappe une veine parmi les veines de la femme et le sang sort continuellement. Ce sang qui est de couleur rouge. Wa ba'du an-nisa fi zamanihi استحاضت سبع سنين ويا من هو يعرف ها همنة بنت جحش ها نعم ويا أخت من سلا سور دو كي همنة بنت جحش Zaynab bint Jahsh, hein, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Hamna, Hamnatu bint Jahsh, a eu la métrorragie pendant 7 ans. Hatta innaha kanat tadhun annaha ha'id, fatarakat as-salat wa hiya la tadri. ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعيد الصلاة. Et donc elle a pensé, elle a même pensé que c'était ses règles. Alors elle a arrêté la prière. Hein? Elle ne savait pas. Mais le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il a appris ceci, il ne lui a pas demandé de rattraper les prières. صلى الله عليه وسلم المستحاضة تصلي وتصوم ويأتي بها زوجها ويجوز لها له أن يطلقها كأنها طاهرة. Et la femme qui a sa métrorragie, c'est-à-dire le sang qui coule continuellement, hein, elle prie, elle jeûne, et son mari peut avoir des rapports intimes avec elle, et son mari peut la divorcer, au contraire de la femme qui a ses règles. La femme qui a ses règles, est-ce qu'elle peut prier? Non. Est-ce qu'elle peut jeûner? Est-ce que son mari peut avoir un rapport avec elle? Est-ce que son mari peut la divorcer? Non. Mais la femme qui a ses métrorragies, c'est-à-dire le sang qui coule continuellement, elle, elle peut faire tout ça. Elle est comme la femme pure. Elle est comme la femme pure, d'accord? Fahimtoum? فَقَدْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَجْلِسَ عَادَتَهَا. يشير إلى ما رواه مسلم من حديث عائشة ولذه أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها أمكثي قدر ما كانت تهبسك حيدتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة وهو في البخاري. Et il dit ici le mu'allif, donc la femme qui a le sang qui coule continuellement, qu'est-ce qu'elle fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celle-ci, hein, de ne pas prier lorsque c'était le temps habituel de ses règles. Et là ici il fait référence au hadith rapporté, hein, par l'imam Muslim. Et l'imam al-Bukhari, nous on a cité la version de l'imam Muslim qui dit, hein, selon Aïcha radiallahu anha, que Umm Habiba bint Jahsh, c'est qui? Hamna. Hamna, c'est plein. Umm Habiba bint Jahsh, hein, et elle était la femme de qui? Abdurrahman ibn Auf. Elle s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam du sang qui coule continuellement. Alors il lui a dit, reste, hein, le temps que tu avais l'habitude d'avoir tes règles. Yani, ne prie pas le temps que tu savais avant quand tu avais tes règles. Le moment où tu avais tes règles, eh ben, tu te retiens à ce moment-là de la prière. Et ensuite, tu te laves. Hein? Et ensuite, tu te laves. Et donc, elle se lavait pour chaque prière. D'accord? Donc ici, هذه المرأة المستحاضة صارت لا تفرق بين الدم الحيض ودم الاستحاضة بسبب أن الدم متواصل ويسمى العلماء هذه المتحيرة فتسألها متى فتسألها نعم عفوا فتسألها متى كان حيضها قبل الاستحاضة. Donc la femme qui a ce sang qui coule continuellement et qui n'arrive pas à différencier le sang de la métrorragie des sangs de la des menstrues, des règles. Elle peut pas faire la différence. Hein? Parce que le sang est continuel. Elle n'arrive plus à voir c'est quel le sang des métrorragies et c'est le sang des règles. Hein? Et cette femme-là, celle qui n'arrive pas à faire la différence, hein, les ulama l'ont appelée comment? Al-Mutahayyira. Alors on lui demande à cette femme, si elle vient de voir, écoute-moi, j'ai le sang qui sort tout le temps, qu'est-ce que je dois faire? Tu lui demandes, quand est-ce que tu avais l'habitude d'avoir tes règles avant d'être atteint par la métrorragie? Est-ce que c'était au début du mois? Au milieu du mois? À la fin du mois? Est-ce que c'était 5 jours? Est-ce que c'était 6 jours? Est-ce que c'était 7 jours? Les femmes savent. Les femmes, généralement, elles ont un cycle perpétuel. Un cycle mensuel régulier, barakallahu fik. Donc elle va dire, moi, avant la métrorragie, j'avais mes règles hein, du 2 au 6 du mois, tout le jour. Ça fait un peu, c'est peu, du 2 au 9, par exemple. Hein, du 2 au 9. Alors on lui dit, maintenant que tu as ta métrorragie, du 2 au 9, tu ne pries pas. Tu te retiens et après le 9, tu te laves et tu pries. D'accord ? Fahimtoum ? C'est ça qu'elle avait l'habitude, c'était ça son habitude. Tayeb. Ensuite il dit Musannif, fa in kana lam yakun lahu 'ada fa ila tamyizha. Wala la tastati' an tubayyin bayna damayn fa la tusalli wa la tasum 'inda tamyizha. Et il dit, si elle n'avait pas d'habitude particulière, hein, c'était tout le temps différent, hein, alors si elle arrive à différencier les deux sangs, hein, les deux types de sang, si elle arrive à différencier, alors quand elle voit que c'est le sang des règles, elle se retient de prier. Hein, ça c'est pour celle qui n'avait pas, elle ne savait pas quand, elle n'avait pas d'habitude particulière. D'accord ? فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِيزٌ فَإِلَى عَادَةِ النِّسَاءِ الْغَالِبَةِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Et si elle ne peut pas différencier, alors elle se base sur l'habitude des femmes en général, hein, 6 ou 7 jours, hein, généralement pour les femmes. يعني وَلَا تَسْتَطِعْ أَنْ تُمَيِّزْ فَتَرَى النِّسَاءَ مِنْ قَبِيلَتِهَا بنت عمتها بنت خالتها أختها جيرانها كم يحضن فتأتي مثله. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Elle peut pas différencier le 200 et elle avait pas d'habitude. Des fois c'était au début du mois, des fois c'était au milieu, des fois c'était à la fin, des fois c'était 5 jours, des fois c'était 6 jours, des fois c'était 7 jours. Elle a pas de cycle régulier. Qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? Elle regarde, hein, les femmes de son entourage, sa sœur, ses sœurs, ses nièces, ses cousines, hein, les gens de proches de sa lignée, etc., proches de sa tribu. C'est quoi leur cycle en général? Elle fait une moyenne. En général, hein, ces femmes, c'est 6 jours ou 7 jours, en début du mois, au milieu du mois, etc. Et elle se base sur ça. Elle se base sur ça pour arrêter la prière pendant sa métrorragie. Voyez, comme je vous ai dit, le shir, il a résumé seulement ça, hein, le chapitre des règles. Ceux qui veulent plus de détails, alhamdoulilah, comme je vous ai dit, docteur, il a clarifié dans ses cours et il clarifiera encore dans ses cours à venir, inshallah. Et nous, on l'a déjà aussi clarifié longuement dans nos cours et on se contente de ce qu'a dit ainsi l'auteur, et avec ça on a terminé le chapitre de la purification. Walillahilhamd.